Pourquoi faut-il plusieurs compréhensions du monde ? La tentation spontanée face au conflit entre les humains, au conflit d'interprétation, au conflit d'intercompréhension, la tentation spontanée, légitime et qui aujourd'hui paraît plus nécessaire que jamais, c'est de rechercher des problèmes commun, c'est de comprendre le monde comme un monde commun. Et de fait, aujourd'hui, peut-être plus que jamais, nous pouvons former l'espoir qu'au moins les catastrophes contemporaines nous réunissent tous sur des perspectives communes. Il y a le climat, il y a eu et il y a encore la pandémie, il y a la guerre, il y a des problèmes si profondément communs que nous avons envie de construire une nouvelle connaissance globale, un partage d'ensemble de ces enjeux globaux, une compréhension commune du monde, enfin, pourrait-on dire, par-delà les conflits. Et pourtant, ce serait peut-être une erreur. Car autant il faut assumer ces problèmes comme problèmes communs, autant il nous faut, par exemple, sur le climat, sur le réchauffement climatique, une connaissance objective qui prolonge la connaissance cosmologique, qui soit une connaissance scientifique des causes du réchauffement d'ensemble de la planète. Il nous faut la science commune, bien entendu, et il n'y a pas plusieurs sciences de l'univers. Autant, pourtant, pour traiter ces problèmes communs, il faut assumer aussi qu'ils sont perçus de manière différentes, selon les points de vue dans le monde, et qu'il y a plusieurs dimensions à ces problèmes. Autrement dit, que le même problème, par exemple vu d'Afrique ou d'Europe, vu d'un pays qu'on dit en développement ou d'un pays qui, au contraire, a déjà passé par les stades du développement et peut-être aussi de ses effets destructeurs sur la planète, ce n'est pas le même problème. Peut-être aussi que le même problème climatique, par exemple, fait l'objet de plusieurs points de vue selon qu'on l'aborde par l'écologie ou par les géosciences d'un côté, ou bien par l'économie ou par la sociologie d'autre part, et qu'il ne faut pas sacrifier une connaissance ou une compréhension du monde à une autre, parce que le problème est complexe comme la vie humaine. Il n'y a pas seulement une dimension objective, comme si on pouvait appuyer sur un bouton après avoir appuyé sur un autre pour empêcher ou pour renverser les causalités objectives qui ont détruit l'univers, par exemple avec la pollution technique, c'est toujours plus complexe. Ainsi, il nous faut conjuguer aujourd'hui la connaissance des problèmes communs et la diversité des points de vue sur le monde. Il nous faut être non pas dans le surplomb, dans le survol de ces problèmes communs, mais au contraire affronter les différents points de vue qui sont tous d'une certaine façon légitimes, sauf ceux qui récusent justement les points de vue des autres. Les problèmes du monde ont aussi une dimension historique, une dimension imaginaire, une dimension subjective, une dimension critique, une dimension politique, une dimension conflictuelle. Et il faut paradoxalement assumer cette diversité des compréhensions du monde autant que la connaissance commune du monde. Ce sont les deux facettes d'un même problème, car on ne peut jamais seulement comprendre le monde comme totalité. Il faut aussi nous comprendre les uns les autres comme subjectivité.